réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment, 6 heures? Bonjour tout le monde, merci si vous nous rejoignez à l'instant. Vous êtes sur France Culture et notre jour est possible en ce mardi 1er décembre. On va parler de la COP21, de la conférence de Paris qui se déroule actuellement, mais en donnant la parole plutôt aux écrivains. Notre tête chercheuse de la semaine, Elisabeth Combre, est avec nous pour notre série consacrée au climat littéraire ou comment les écrivains se sont situés par rapport au combat écologique d'aujourd'hui. Hier, on a parlé d'Homère, on a parlé d'Homère et de la littérature qui rendait hommage à la nature, nature déchaînée, nature enchanté, on a parlé d'Edgar Poe, on a parlé du romantisme et même des haïkus. Aujourd'hui, on va parler de la nostalgie de la nature. Et puis aujourd'hui, en fait, les 150 ans d'un livre que tout le monde connaît, Alice au Pays des Merveilles. Et à l'occasion du salon de livre de jeunesse, pardon, à Montreuil, nous recevrons celui qui a illustré la dernière édition d'Alice au Pays des Merveilles, c'est-à-dire Benjamin Lacombe, qui sera mon invité aux alentours de 6h20. This bitter earth well, what the fruit it bears. And if my life is like the dust that hides the glow of a rose. Climat littéraire, deuxième épisode, en compagnie de la journaliste et écrivaine Elisabeth Combre, auteure d'un ouvrage qui vient d'être édité par Plume de Carotte, Quand la nature inspire les écrivains. Aujourd'hui donc, deuxième épisode, la nostalgie de la nature. Bonjour Elisabeth Combre. Bonjour. La nature qui était sacralisée se désacralise au fil des siècles. Et aujourd'hui, on va voir que cette nature va devenir un lieu de nostalgie. Alors la nostalgie de la nature dans la littérature est beaucoup liée à la nostalgie de l'enfance dans la nature. Elle est prégnante aujourd'hui dans notre société post-industrielle, mais durant le XXe siècle parmi les écrivains de cette époque, mais aussi elle existait déjà du temps de Virgile. Virgile est un, pour ce que l'on sait de Virgile aujourd'hui, c'était un provincial, un rural qui a gardé toute sa vie la nostalgie de son pays natal. Il évoque toujours la ville de façon négative et sa famille semble avoir fait partie des cultivateurs expropriés dans la région de Mantoue pour donner des terres à des légionnaires démobilisés. On a transformé à cette époque les légionnaires en paysans et donc on a exproprié certains paysans. Et Virgile a écrit sur cette période et a chanté la douceur de la nature et du travail paysan. Il a innové de plusieurs manières. Il a mis au premier plan dans les bucoliques des bergers et des paysans à une époque où on mettait plutôt des héros en vedette. Il a parlé de la réalité sociale de ces paysans. C'était une première dans la littérature de l'Antiquité. Et 10 ans après les bucoliques, dans les géorgiques, il a présenté le travail qui était jusqu'à présent quelque chose réservé aux esclaves. Hein. C'était vulgaire et absolument pas honoré de quelque façon que ce soit. Mais il a présenté le travail de la terre en particulier comme une activité essentielle, source d'harmonie quand il s'agit de cultiver la terre et d'en puiser des ressources. Et dans ce travail de la terre, en paix, loin de la fureur des cités et loin des guerres. Déjà, donc. Déjà. Alors là, on va faire un saut dans le temps parce que alors Virgile a inspiré tout au long de l'histoire de la littérature. Hein, la pastorale a traversé les siècles, au XVIIe siècle, au début du XXe siècle. Mais s'est développée aussi toute une littérature, sans parler de genre, mais en tout cas des écrivains, qui ont bâti toute leur œuvre autour de leur enfance dans la nature. Alors, on peut parler par exemple de Colette. Oui, il y en a beaucoup, mais Colette, Senghor, Neruda. Si on veut essayer de prendre un point commun entre ces différents auteurs qui puisent leur inspiration dans cette nature, dans cette enfance passée au cœur de la nature, c'est une écriture sensuelle. C'est une écriture où on raconte, où on touche, où on sent, où on parle des parfums de la nature. Colette a grandi dans la nature. Elle avait l'autorisation de partir dans la brume à 5 ans, très tôt le matin, et de courir seule et de faire des expériences en direct avec la nature autour de la maison familiale. Elle est transplantée dans Paris à un moment donné, et il y a un moment où ça coince, où elle sera toujours dans cette opposition. Elle en viendra même à louer les bêtes, les chiens, les chats qui l'entouraient, pas contre les humains, mais en tout cas se rapprocher comme ça. C'était une manière de se rapprocher de la nature de son enfance au milieu de la ville. Donc il y a un lien aux animaux, et elle commence quelque chose qui va se développer plus tard, cette idée de solidarité entre humains et animaux. On n'est pas encore dans cette dimension qui fait partie de l'écologie aujourd'hui aussi. L'être humain fait partie du monde naturel, au même titre que les animaux, que les plantes. Et Colette commence à poser des jalons de cette dimension. Levée au jour, parfois devançant le jour, ma mère accordait aux points cardinaux, à leurs dons comme à leurs méfaits, une importance singulière. C'est à cause d'elle, par tendresse invétérée, que dès le matin et du fond de mon lit, je demande « D'où vient le vent ?» À quoi on me répond « Il fait bien joli, c'est plein de passereaux dans le palais royal, il fait vilain, tant de saisons, quoi. » Il me faut maintenant chercher la réponse en moi-même, guetter la course du nuage, le ronflement marin de la cheminée. Léopold Sédar Senghor a bâti toute son œuvre autour de ce qu'il appelait le royaume d'enfance. Il a passé le début de sa vie dans le village, dans la région Serère, de l'ethnie Serère, dans l'ouest du Sénégal, donc une ethnie animiste convertie au catholicisme. Et jusqu'à 6-7 ans, il était dans le village de sa mère, puisque l'ethnie Serère est matriarcale, les enfants sont élevés par la mère. Et son oncle l'emmenait dans la nature. Il partait seul courir, grimper aux arbres, écouter les légendes des nourrices, apprendre aussi à repérer les signes des esprits dans la brousse, dans les grandes étendues sèches. Il a écrit une poésie sensuelle qui retrace toutes ses sensations. Il a vécu une opposition très forte alors entre son enfance, ses origines africaines, et puis la France, et puis le Sénégal, mais sa carrière politique en France et dans les villes, et dans le nord froid, gris, qui s'opposait à cette enfance lumineuse dont il a gardé le souvenir très fort. Ô Congo, ô, pour rythmer ton nom grand sur les eaux, sur les fleuves, sur toute mémoire, que j'émeuve la voix des Kora Koyaté, l'encre du scribe est sans mémoire. Ô Congo, couché dans ton lit de forêt, reine sur l'Afrique domptée, que les phallus des monts portent haut ton pavillon, car tu es femme par ma tête, par ma langue, car tu es femme par mon ventre, mère de toutes choses qui ont narines, des crocodiles, des hippopotames, lamantins, iguanes, poissons, oiseaux, mère des crues, nourrice des moissons, femme grande, ô tente ouverte à la rame et à l'étrave des pirogues. Éloge de la nature par Senghor. Demain, dans notre troisième épisode consacré à ces climats littéraires, nous parlerons d'une autre quête, d'une quête d'une autre nature. À demain, Elisabeth Combre. À demain. n'oserais pas, non je n'oserais plus venir te chercher, chercher de ton feu. Non je n'oserais pas, non je n'oserais plus venir te chercher, brûler de ton bois. Quand j'attends ici, mon cœur refroidit, je reste chez moi, j'attends et je bois. Je brûle mon bois, seulement de mon bois. Mon bois ne brûle plus, mon bois ne brûle plus si bien. Mon bois ne brûle plus, mon bois ne brûle, mon bois ne brûle plus, mon bois ne brûle, mon bois ne brûle plus, mon bois ne brûle, mon bois ne brûle plus, mon bois ne brûle, mon bois ne brûle plus, mon bois ne brûle, mon bois ne brûle plus, mon bois ne brûle, mon bois ne brûle plus, mon bois ne brûle, mon bois ne brûle plus. Non, je n'irai pas, non, je n'irai plus venir te chercher, chercher de ton bois. Je reste chez moi, j'attends mais j'ai froid. Je brûle mon bois, seulement de mon bois. Peut-être voudras-tu t'approcher un peu, peut-être voudras-tu répandre le feu. Mais je n'irai pas, non je n'irai plus venir te chercher, mon bois ne brûle plus si bien. Mon bois ne brûle plus, mon bois ne brûle, mon bois ne brûle plus. Mon bois ne brûle, mon bois ne brûle plus. Mon bois ne brûle, mon bois ne brûle plus. Mon bois ne brûle, mon bois ne brûle plus. Mon bois ne brûle, mon bois ne brûle plus. Heureusement qu'il y a la musique magique, l'amour à l'issue. Heureusement qu'il y a la musique magique, l'amour à l'issue. Heureusement qu'il y a la musique magique, l'amour à l'issue. Heureusement qu'il y a la musique magique, l'amour à l'issue. Un autre jour est possible. Votre réveil culturel, tous les jours, de 6h à 6h30, par Toufik Hakem. Deuxième partie, l'invité du jour. Et mon invité aujourd'hui, Benjamin Lacombe, illustrateur. Bonjour. Bonjour. C'est un bien beau livre qui sort chez Métamorphose, Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, que vous avez illustré à l'occasion des 150 ans d'ailleurs de la parution d'Alice. Oui, c'est ça. C'est en l'honneur de cet anniversaire et puis parce que c'est un texte que je voulais illustrer depuis toujours. Pourquoi depuis toujours ? On croise comme ça des livres dans sa vie et qui forgent un peu l'artiste qu'on va devenir. C'est un peu des piliers et Alice en a fait partie. C'est-à-dire, je l'ai découvert quand j'avais une dizaine d'années et je me suis dit que ça a rendu possible beaucoup de choses, en fait. C'est un très beau livre avec des illustrations qui seront d'ailleurs exposées dès demain au festival, au salon du livre jeunesse de Montreuil, où vous serez présent. D'ailleurs, le livre chez Métamorphose, édité par Métamorphose, sort demain. Mm-hmm. Alice au pays des merveilles. Comment avez-vous interpréter Alice, parce que vous venez de nous dire, Benjamin Lacombe, que vous avez découvert ça plutôt enfant, non? Mm-hmm. Donc c'est votre lecture d'enfant qui a persisté. Il y a plusieurs lectures possibles d'Alice. Ah oui, mais d'ailleurs, il y a eu tellement de versions illustrées. C'est la preuve que tout est possible sur ce texte. C'est un texte qui est très visuel et qui appelle beaucoup à l'image, beaucoup à l'illustration. Puisque et à l'imaginaire. Et à l'imaginaire. Et lui-même, Lewis Carroll, dans la toute première version du manuscrit, Alice Adventure Underground, il l'avait déjà illustré. Et donc, c'est vrai que voilà, il appelle à l'image et chacun peut l'interpréter différemment. Il laisse beaucoup de champs ouverts et en même temps, il est extrêmement difficile à illustrer justement parce que beaucoup de gens sont passés avant et parce que aussi c'est un univers très exigeant. Alors, vous, quelle est votre lecture d'Alice ? Oh là, je vais la résumer ici. Bon, faudra regarder le livre. Hein. Mais ma lecture d'Alice, je pense que c'est un livre tout en double sens, comme l'écriture de Carroll. C'est un livre avec une infinité de lectures possibles. C'est pour ça qu'à chaque lecture, je le redécouvre et j'espère que les images apporteront aussi une nouvelle forme, une nouvelle richesse aussi à ce texte. Et c'est vrai que c'est un livre où chaque personnage n'est pas tout à fait ce qui paraît et où on découvre toujours des nouvelles choses. Alors il y a toute une partie, bien sûr il y a bien sûr le roman de Lewis Carroll, le texte 150 ans après sa première publication qui est repris avec une traduction d'Henri Parizeau, vos illustrations Benjamin Lacombe, et puis à la fin il y a tout un cahier des annexes avec toute la documentation autour d'Alice, Alice l'original, si je puis m'exprimer ainsi. Pas tout à fait l'original justement, pour en parler si vous voulez, mais oui, j'ai voulu faire une édition un peu complète avec des sources, avec un repère historique, parce qu'en fait c'est une œuvre qui est profondément victorienne et qui s'inscrit aussi, qui est à la fois d'une modernité hallucinante et qui fait vraiment, qui est une espèce de révolution au moment où ça sort, et en même temps qui s'inscrit parfaitement dans son époque. Et il y a aussi le rapport très particulier qu'entretenait Lewis Carroll aux enfants, aux petites filles et à la petite fille pour lequel il a écrit Alice, à savoir Alice Liddell, mais qui n'est pas Alice. Alors, même si on a sa photo, enfin. Ah oui, on a la photo à la fin. Et on a aussi la photo du personnage de Béatrice Henley, c'est-à-dire la petite fille telle qu'il voyait Alice graphiquement, en tout cas. C'est les photos qu'il avait données à Téniel et les photos dont il s'était inspiré lui-même pour dessiner la toute première version d'Alice. Alors comment avez-vous entrepris ce travail ? C'est-à-dire, pour vous, c'est un défi, je suppose, Alice au Pays des Merveilles, l'illustrer. Comment avez-vous procédé, Benjamin Lacombe ? Alors, j'ai vraiment relu le texte plusieurs fois, je l'ai lu aussi en anglais. J'ai essayé de m'approcher au plus proche de la vision, enfin de ce que j'imaginais être la vision de l'auteur. Je me suis imprégné de cet univers, de l'époque victorienne. J'ai beaucoup regardé les photos de Lewis Carroll, j'ai lu son journal intime qui était très documenté, j'ai lu aussi les correspondances qu'il avait. C'est pour ça d'ailleurs que je les ai remises. On fait un petit peu le chemin aussi avec cette édition, c'est-à-dire qu'on voit, et c'est les lettres que j'ai choisies, je les ai choisies pour... Voilà, pour montrer un petit peu pourquoi, en fait, j'ai fait ces choix graphiques-là. Et j'ai essayé, effectivement, de revenir aux sources, en fait, des inspirations de Lewis Carroll lui-même. C'est un livre qui lui ressemble beaucoup. C'est le livre de sa vie. Hein. Il a fait donc la toute première version d'Alice, Alice Adventure Underground, qu'il a réécrit ensuite 2 ans après pour faire Alice au Pays des Merveilles, qui était une version bien augmentée. Ensuite, il a fait Alice à travers le miroir. Après, il a fait Alice aux enfants. Enfin, bon, bref, c'est un livre qui a occupé un petit peu toute sa vie. Et donc, je voulais être le plus proche de sa vision. Est-ce qu'il y a tous les publics d'Alice ? Parce qu'entre le public des enfants et le public adulte, peut-être que notre perception, peut-être non, très probablement, notre perception évolue, pour ne pas dire diffère. Oui, c'est ce qui fait la richesse de ce texte. C'est un texte qui peut être lu à différents âges. Je pense que c'est d'ailleurs un peu l'adage de vraiment des grands textes. Et c'est vrai que Alice, cette version-là, enfin la façon dont je l'ai illustré, la traduction que j'ai choisie, c'est pas la traduction la plus infantile. C'est vraiment la traduction d'Henri Parisot, qui était un proche des surréalistes, de Breton, donc qui donne vraiment toute la dimension surréaliste en fait au texte de Lewis Carroll, parce que c'est un texte quasi intraduisible en vérité. Et donc c'est vrai que là, c'est pas une version très très enfantine, cette Alice. Même si ça sort demain à l'occasion du salon de livres jeunesse. Mais les enfants n'aiment pas qu'on les prenne pour des enfants. Et il y a aussi tout un travail sur la typographie. La maquette. J'ai voulu concevoir le livre vraiment là-dessus, travailler la typo, les jeux de mots, parce qu'il y a beaucoup de jeux de mots en fait. Lewis Carroll, c'était s'amuser des jeux de mots, et je voulais m'amuser littéralement avec les mots aussi, c'est-à-dire jouer avec les typographies, jouer avec l'objet. C'est un livre aussi où on fait grandir vraiment. Alice, c'est un personnage qui est constamment entre plusieurs tailles et qui se joue beaucoup de son échelle, et on joue avec son échelle aussi, puisque on a des rabats qu'on déploie comme ça, et donc on peut faire allonger Alice ou même la faire complètement éclater de sa page en ouvrant deux rabats comme ça qui déploie le livre du coup en un grand poster. Illustrateur, alors qu'on aurait bien aimé vous présenter comme peintre, parce que c'est vraiment de la peinture que vous avez fait. Vous travaillez avec quoi, Benjamin Lacombe? Alors c'est là-dedans, il y a deux techniques. Il y a de la gouache et huile pour tout ce qui est en couleur. Et il y a une petite technique aussi que j'ai utilisée pour les cabochons, c'est-à-dire ces petits dessins en fait qui se mêlent au texte. Et là, c'est de l'encre de Chine et du Posca sur papier. Est-ce que c'est retravaillé à l'ordinateur? Non. D'ailleurs, vous pourrez voir les originaux à Montreuil. Ouais, voilà. qui sont exposés pendant le salon du livre de Montreuil, et ils seront présents, voilà, les originaux. Comment le lire, ce livre? Comment le lire, ce livre? Ouais, parce que on a envie de le feuilleter, de plonger dans les images. Un peu des deux, mais c'est bien. D'oublier le texte, de revenir au texte après, oui. Ben un peu comme dans un songe, et puisque tout ce livre, c'est un rêve en fait. C'est un rêve de le réaliser, mais c'est aussi un rêve. Ça parle d'un rêve ou d'un cauchemar selon où l'on se place. Et un rêve, on peut y revenir, repartir, se plonger peut-être dans des images. En fait, on peut le lire un peu comme on veut. Est-ce que vous avez retrouvé un peu de vos sensations d'enfant, de votre première lecture de Lewis Carroll, d'Alice au Pays des Merveilles, quand vous êtes attelé à illustrer aujourd'hui ce texte? Je sais pas. Je pense que chaque lecture est différente. En fait, c'est marrant. C'est pas des bêtises. Je trouve que chaque lecture d'Alice est un petit peu différente. Et je peux pas dire. Je sais que c'était une lecture qui m'a profondément intrigué. Choqué. Enfin, je dirais choqué, parce que c'est ça en fait. C'est choqué, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que ça a éveillé en moi beaucoup d'envie en fait, une envie d'illustrer, une envie. C'était une somme de possibles. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'on pouvait développer comme ça un univers beaucoup plus ambigu que les autres lectures que j'avais lues, où je sentais même étant enfant, je sentais en fait toutes les couches en fait qu'il pouvait y avoir dans ce texte. Alors j'espère que les images éveilleront la même chose pour les lecteurs, enfin pour les gens qui découvriront le livre, mais ça je peux pas le dire. Vous avez 33 ans, vous êtes jeune, Benjamin Lacombe, quel est votre parcours? Bien écoutez, j'ai fait un bac littéraire et ensuite j'ai fait une école qui s'appelle l'ENSAD, l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris. Et en même temps que je faisais cette école, j'avais signé mon premier livre et c'était déjà chez Soleil. Pas la collection Métamorphose encore, mais c'était chez Soleil, une bande dessinée que j'avais signée quand j'avais 19 ans. Et ensuite j'ai continué à faire des livres. Et le dessin, c'est arrivé très tôt, donc? Alors, le dessin, il a toujours été là. Et je pense que tout le monde dessinait. Sans doute, vous aussi, vous avez dessiné, étant enfant, et vous êtes arrêté. Ouais. Et moi, je fais partie de ceux qui ont continué. Parce que je pense qu'en fait, c'est l'acte le plus naturel. Bien avant même l'écriture, on dessine. Et il y en a qui s'arrêtent. Et parce que, voilà, c'est pas forcément quelque chose qui est très valorisé, le dessin. Et puis, il y en a qui continuent. Et vous avez allié les deux, c'est-à-dire la littérature et le dessin. Oui, après, j'avais envie de raconter mes histoires aussi. D'où votre choix? Vous avez très jeune, vous saviez à peu près ce que vous vouliez faire plus tard, quoi. Au début, je savais pas qu'on pouvait faire ça, mais dès que je l'ai su, effectivement, on pouvait pas m'empêcher de le faire, oui. Peintre, illustrateur, dessinateur, mon invité Benjamin Lacombe. est avec nous ce matin pour parler d'Alice au pays des merveilles qu'il a illustré. C'est la traduction d'Henri Parisot que vous illustrez pour Métamorphose. On passe au questionnaire d'un autre jour. Choisissez trois questions, Benjamin Lacombe. Alors, je les lis. Oui. De toutes les fleurs du monde, laquelle est votre préférée? Sans doute les asphodèles. Parce qu'elles sont intrigantes, elles sont à la fois elles sont très pures, très belles, très blanches comme ça, et puis en même temps ce sont les fleurs de la mort, donc elles ont un peu tout, la vie et la mort en elles. Deuxième question. Est-ce que vous dansez? Oui, mais enfin je ferai pas une démonstration. Hein. Sur toutes les musiques. Toutes les musiques. Toutes les occasions sont bonnes. Oui, enfin, il faut quand même être avec des amis. Hein. Danser tout seul, c'est un peu triste. Non, enfin, je sais pas. Enfin, troisième question. Et alors, là, j'ai. Que lisez-vous en ce moment? En ce moment, je relis. Là, c'est vraiment pour le travail. En tout cas, je relis Carmen parce que je vais l'illustrer bientôt. Mais sinon, j'ai des lectures très variées. Par exemple. Par exemple, ça peut être des BD, ça peut être des romans, ça peut être des essais. Je me laisse guider. La dernière chose que j'ai lue, vraiment, la toute dernière, c'était Carmen, mais sinon... Vous vous laissez guider par les amis, les libraires? Par les libraires. Les médias ou par par les libraires, parfois ouais. Aussi par les médias. C'est vrai que je peux écouter, j'écoute la radio et de temps en temps, un auteur peut me donner envie de le lire, oui. Merci d'être passé, Benjamin Lacombe. Merci à vous. Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, édité par Métamorphose sur une traduction d'Henri Parisot et illustré par Benjamin Lacombe, sort demain à l'occasion du salon du livre pour enfants, hein, c'est ça? Salon du livre et de la presse jeunesse. Et de la presse jeunesse, ça s'appelle comme ça, c'est à Montreuil. Générique de fin. Vous faites le générique de fin, Benjamin Lacombe? Oui. C'était Un autre jour est possible, votre réveil culturel, une émission de Toufi Kakem pour ceux qui se lèvent tôt et qui écoutent la bonne radio. Les lèvent pas tôt peuvent écouter ce programme en s'abonnant au podcast de l'émission disponible sur franceculture.fr. Vous êtes lève tôt ou lève pas tôt? Je suis pas très lève tôt, non. Bon, podcast. Un autre jour est possible a été préparé avec Anaïs Isebert et Pascaline Bonnet, une émission réalisée par Thomas Duterre, avec ce matin à la technique, Élise Le. Merci beaucoup Benjamin Lacombe. Dans un instant, l'actualité, le décryptage de l'actualité avec Guillaume Erner, la rédaction de France Culture et toute l'équipe des Matins. On se retrouve demain à la même heure en première partie en compagnie d'Elisabeth Combe pour notre série « Quand la nature inspire les écrivains, climat littéraire ». Et en deuxième partie, je recevrai la réalisatrice Fabiani Deschamps qui a réalisé un drôle de film qui sort demain, New Territories. Bonne matinée, à demain.